tes enfants coûter, travaille enfants chanter après. Tous tes enfants coûter, travaille enfants chanter après. Travaille enfants chanter après, la vie l'arrête, faut calculer. Travaille enfants chanter après, pensez aussi à l'avenir. Au pas, tes enfants coûter, travaille enfants chanter après. Tous tes enfants coûter, travaille enfants chanter après. Enfants goûter, travaille enfants chanter après. Tous tes enfants goûter, travaille enfants chanter après. Jeudi j'ai dit faut prendre plaisir, si travail là j'ai bien fini. Jeudi j'ai dit faut prendre plaisir, allons enfants à nos parties. Travaille tes enfants goûter, travaille enfants chanter après. Tous tes enfants goûter, travaille enfants chanter après. Enfants goûter, travaille enfants chanter après. Tous tes enfants goûter, travaille enfants chanter après. Un coup dit mais c'est vendredi, tous petits enfants calés en classe. Face à présent s'arrête la vie, sous pas instruit ou pas ni place. Poulet, tous tes enfants goûter, travaille enfants chanter après. Tous tes enfants goûter, travaille enfants chanter après.